Le temps des vacances. Le temps passe et les vacances aussi. Elles s'achèvent pour laisser la place, une place au quotidien. Un quotidien oublié, laissé de côté. De côté, le temps d'un instant. Un instant qui aura eu un goût de trop peu. Trop peu car tout est si rapide. Le temps passe et s'achève. S'achève mais laisse le souvenir. Un souvenir qui reviendra. Le temps d'un instant aux prochaines vacances.